France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Jacquot, l'une des plus grandes histoires judiciaires suisses de l'après-guerre. En 1958, un homme est tué aux abords de Genève. Accusé du crime, Pierre Jacquot, ex-bâtonnier et leader politique qui fait la pluie et le beau temps sur la cité helvète. Cette affaire, bien oubliée aujourd'hui, a passionné l'opinion. Parce qu'elle révèle au grand jour les noirceurs et les secrets intimes d'une sommité que l'on croit honorable, inébranlable, intouchable. Pierre Jacquot n'est pas seulement un homme qui trompe sa femme, c'est un esprit torturé, abusif, jaloux. Il est même un corbeau. Mais est-il un meurtrier pour autant? Il l'a toujours nié, même si beaucoup d'éléments l'accablent. Mais dans ses dossiers sans aveu, sans ADN, sans empreinte digitale et sans preuve irréfutable, le doute n'est-il pas légitime? Ce sera précisément la stratégie de la défense lors du procès Jacquot, procès ultra médiatisé. Notre invitée aujourd'hui est Corinne Jacquet, journaliste et autrice du livre « L'énigme Jacquot, un procès il y a 60 ans », paru en 2020 chez Slatkin et sur lequel s'appuie ce récit. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Boudge, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En ce 18 janvier 1960, un homme pénètre dans la cour d'assises du palais de justice de Genève sous les flashs des appareils photo. Il est pâle, ne marche qu'aidé par des gendarmes et doit être installé sur une chaise longue prévue par les médecins. Nous l'avions connu fringant, mince et vif, ne portant pas son âge, bel homme aux yeux noirs, plein de feu, au port de tête arrogant. Là, nous voyons avancer le fantôme de lui-même, écrit Anne-Marie Burger, chroniqueuse au Journal de Genève. Ah, il est loin, le brillant avocat, raide comme la justice, qui, au sein de cette chapelle blanche, transformée en tribunal, a si souvent croisé le fer d'un ton cassant et moralisateur. Le Jacquot, qui comparé aujourd'hui pour la première fois dans le rôle d'accusé, semble tellement différent. Tourmenté, dépressif, suicidaire, dit-on, et avec une nouvelle réputation, celle de meurtrier. Mais qui est réellement Pierre Jacquot? Est-il celui qui a frappé 2 ans plus tôt à Plan-les-Ouates, paisiblement lié de Genève? Ce meurtre, Marie Zombac l'a vu, ou presque. Le 1er mai 1958, cette sexagénaire rentre chez elle après une réunion paroissiale. Il est presque 23 heures. Arrivée devant sa maison, elle s'étonne. C'est curieux, l'entrée est éclairée, les volets sont ouverts, il y a un vélo inconnu, là, adossé contre la haie. Son mari, Charles Zumbach, aurait-il reçu de la visite à cette heure tardive? En s'approchant du perron, elle perçoit des bruits de lutte et des cris. C'est Charles, son Charles, qui l'appelle à l'aide. Malgré l'effroi qui la tenaille, elle entr'ouvre la porte et découvre un spectacle terrifiant qu'elle raconte dans son procès-verbal, retranscrit par la journaliste Corinne Jacquet. Mon regard a été immédiatement attiré vers un individu inconnu. Il me faisait face et avait un pistolet à la main qu'il dirigeait contre moi. J'ai l'impression qu'il a été surpris par mon arrivée. À ce moment, j'ai refermé la porte et je me suis enfui dans le jardin épouvanté. Tout cela s'est passé très rapidement. Je n'ai pas eu le temps d'examiner l'individu en question qui s'est lancé à ma poursuite. Un coup de feu a retenti et j'ai immédiatement senti une douleur dans le dos. Je me suis relevé et j'ai couru chercher du secours en me dirigeant vers la cabane à outils du voisin. J'ai remarqué que pendant ce temps, mon agresseur était retourné dans la maison. J'ai appelé au secours. L'assassin n'a fait qu'entrer et sortir. Je l'ai vu s'éloigner à bicyclette. Il m'a paru hésiter ou avoir de la difficulté avec sa machine. Je suis immédiatement retournée dans la maison et j'ai trouvé mon mari à terre dans le bureau. Les policiers débarquent sur la scène du crime. Ils ont sur les bras une femme légèrement blessée, Marie Zumbach. Et surtout, un cadavre, celui de Charles Zumbach, 62 ans. L'homme qui s'est visiblement défendu est troué de balles et lardé de coups de couteau. Un carnage. Et surtout, beaucoup de questions sans réponse. Comment? Pourquoi Charles Zumbach est-il mort? Mais surtout, qui l'a tué? Et puis, qui est ce fuyard à bicyclette que Marie Zumbach assure avoir vu, mal vu, mais vu quand même, et qu'elle décrit comme un homme de... 30, 35, 40 ans, grand, de corpulence mince, cheveux foncés, élégamment vêtu. Un homme qu'elle est certaine de ne pas connaître, et qui, retenez bien ce détail, a visiblement laissé échapper un bouton de vêtement à l'endroit où le vélo a démarré. L'armoire du bureau où gît le défunt est en désordre, mais on n'a pas touché à l'argent, laissé en évidence. Alors, on exclut l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Et on fait l'entourage, comme disent les policiers. Mais qui pouvait en vouloir à Charles Zumbach, mécanicien agricole réputé, sans histoire, selon la formule consacrée? Eh bien, personne. Ah si, le locataire du garage de Zumbach, avec qui la victime avait eu maille à partir. Celui-là a le profil, c'est un voyou. Mais il est rapidement écarté de l'enquête. Marie Zumbach et le voisin qui a couru sont formels. La silhouette et la physionomie de ce locataire qu'il croisait tous les jours est aux antipodes de celle du fugitif. Mais c'est André, 27 ans, fils du couple Zumbach, qui fait basculer l'enquête. Il vient de terminer son service à Radio Genève, où il est régisseur musical, et de rentrer chez ses parents, chez qui il vit encore. Devant la dépouille encore chaude de son paternel, il fait une révélation fracassante. Non, son père n'a pas d'ennemi. Mais lui, André Zumbach, en a un, Pierre Jacou. Le chef de la police, Charles Kneck, n'en croit pas ses oreilles. Pierre Jacou, 53 ans, n'est pas n'importe qui. C'est une personnalité genevoise réputée. Dans cette Suisse où l'on n'est pas politicien de métier, on peut mener de front une flamboyante carrière judiciaire et un flamboyant parcours politique. Eh bien, Jacou incarne cette réussite. C'est un brillant avocat qui a pour client Sacha Guitry ou la Gacan. Sa rigueur est telle que ses pairs l'ont choisi un temps pour être le bâtonnier de leur ordre. Mais il est aussi le leader politique reconnu du parti le plus en vue du moment, le Parti radical, estampillé droite bourgeoise, qui détient la majorité au gouvernement. Ex-conseiller municipal de la ville de Genève, ex-député, Pierre Jacou ne compte pas s'arrêter là. Et on parle déjà de lui pour s'installer à Berne, la capitale, et rejoindre la plus haute instance de l'État, le Conseil fédéral. Bref, Jacou est une pointure, comme le raconte l'avocat Marc Bonan. Jacou était un avocat stellaire, il régnait sur notre ville. Il était radical du temps où le Parti radical faisait la Suisse. Il a été député, il a été un bâtonnier célébré, il avait une autorité académique et morale. Il était de surcroît musicien, il avait une pluralité de dons reconnus. Il avait à la fois l'autorité et le pouvoir, à entendre selon la distinction ancienne. Le pouvoir tient au statut et l'autorité tient à la stature. Il avait le pouvoir parce qu'il était un politicien renommé, et il avait l'autorité de sa compétence, de son savoir. Donc il avait absolument tout. Tout ou presque. Car voilà qu'André Zumbach dévoile au chef de la police que Pierre Jacou, marié mais infidèle, a été plaqué il y a quelque temps par sa maîtresse de longue date, une certaine Linda Baud. Cette Linda Baud, André Zumbach la connaît bien. Ils travaillent ensemble à Radio Genève où elle occupe un poste de secrétaire. Après la rupture de la jeune femme avec Jacou, André et Linda ont commencé à se fréquenter. Oh, rien de très approfondi, une amourette passagère entre deux collègues qui n'a pas duré. Mais quand Jacou l'a appris, il avait rouge. André Zumbach raconte comment l'ex-bâtonnier a commencé à lui tourner autour, à prendre sur lui des renseignements, à l'accabler de questions sur ses intentions vis-à-vis de Linda Baud. Dans la foulée, André Zumbach s'est mis à recevoir coup de fil et lettres anonymes. Ces lettres au style police, le jeune homme les dévoile aux policiers. Monsieur, j'ai appris que vous étiez l'ami de Mademoiselle Beau. Je crois utile de vous renseigner sur ce qui se passe. Après avoir été la maîtresse d'un tenancier de bar, puis d'un employé de votre maison, sans compter maintes autres aventures, elle a été celle d'un homme marié pendant plusieurs années. Or, je viens d'apprendre que depuis quelques mois, elle entretient des relations avec un homme qui m'est très cher. Je les ai vus ensemble, et j'ai trouvé par hasard, il y a quelques jours, une photographie fort édifiante sur leur passe-temps. La photo en question détaille la nudité de Linda Baud. André Zumbach en est persuadé. Ses courriers qui discréditent Linda et l'exhortent, lui, André, à s'en éloigner, ne peuvent être que l'œuvre de Pierre Jacou. D'ailleurs, il a fait connaître ses soupçons à l'avocat. « C'est vous qui m'avez envoyé ces lettres anonymes, n'est-ce pas ?» lui a-t-il demandé. Est-ce que cette phrase a tout déclenché ? Pour André Zumbach, une conviction s'est forgée. l'honorable Jacou, démasqué dans son piteux rôle de corbeau, s'est rendu à Plan-les-Ouates afin de récupérer ses lettres délatrices et il aurait abattu le père Zumba qu'il ne pensait pas trouver là. Deux éléments peuvent accréditer cette thèse. Durant les heures précédant le crime, un inconnu a occupé le standard de Radio Genève pour s'enquérir de l'emploi du temps d'André Zumbach. Et c'est dans le bureau d'André, susceptible de renfermer paperasse et missive, qu'a éclaté la bagarre entre Charles Zumbach et le meurtrier. L'affaire Jacou est lancée. Cette piste alambiquée, les enquêteurs refusent d'abord de la suivre. Enfin, qui imagine sérieusement l'ex-bâtonnier Jacou enfourcher un vélo, pédaler jusqu'à la maison de son rival pour remettre la main sur des courriers gênants et en venir aux mains avec son père? Mais André Zumbach, lui, ne lâche pas le morceau. Alors, le chef de la police convoque Linda Baud. Et ce qu'il apprend de l'ex-maîtresse de Jacou crédibilise en tout point le scénario insolite brossé par André Zumbach. Disons-le tout net. Linda Baud aurait aimé ne jamais avoir à charger Pierre Jacou pour qu'elle conserve une infinie tendresse. Le récit qu'elle fait de leur relation et de la personnalité de l'ex-bâtonnier n'en est pas moins glaçant. Pendant 8 ans, en effet, Jacou et elle ont vécu ce qu'elle appelle une grande histoire d'amour. Sans doute a-t-il cherché à la façonner son image tant il la dominait de son statut, elle, la jeune secrétaire, lui, le grand avocat de 15 ans son aîné, lui, l'homme marié, père de 3 enfants. Elle, la célibataire. Lui, le puits de science. Elle, la passionnée de musique et de littérature, qui ne demandait qu'à se laisser former. Mais perdue d'affection pour cet homme aride, qui ne semblait fendre la carapace qu'avec elle, elle n'a eu Dieu que pour lui, et s'est montrée bonne élève. Au point qu'elle a supporté d'innombrables lâchetés. Qu'elle raconte, des années plus tard, au micro de 5 colonnes à la Une. Un jour, nous prenions dans un café sur la terrasse d'un hôtel. C'était durant les vacances. Et puis tout à coup, nous avons vu venir à nous un homme que Pierre Jacou connaissait. Il est arrivé la main tendue en disant bonjour. Il s'est tourné vers moi, il m'a dit bonjour madame. Et aussitôt après, il m'a dit comment va votre sœur qui était malade. À ce moment-là, j'ai regardé Pierre, il s'est dressé, il s'est levé, il est parti. Il m'a laissé en face de cet homme auquel j'ai dû dire naturellement, monsieur, excusez-moi, je ne suis pas madame Jacou. Quand je l'ai retrouvé plus tard, il était malade, il était anéanti. Il ne pouvait pas supporter ce genre de choses. Fréquemment, il s'est conduit comme ça? Assez souvent. Vous n'en avez jamais voulu? Si, je m'en ai voulu. Et puis ensuite, je ne m'en voulais plus parce que je l'aimais. Un jour, raconte-t-elle, éprouvée par une énième couardise de Pierre Jacou face au camp du raton, épuisée d'être inlassablement celle que l'on cache et dont on a honte, elle décide de retrouver sa liberté. À 35 ans, elle a encore toute une vie devant elle. Et elle plaît aux hommes, la jolie Linda. Jacou semble accepter la situation, mais il souhaite demeurer, je cite, son confident. En vérité, une manière de garder la mainmise sur celle qu'il avait si longtemps eue sous sa coupe. Et c'est là qu'il commence à la surveiller et à développer une obsession maladive pour le jeune André Zumbach. Et les scènes de jalousie et de violence se multiplient. C'est sous la menace d'une arme que Jacou emmène un jour Linda Baud klaxonner devant le domicile des Zumbach, espérant ainsi confronter André, qui ce jour-là est absent. Un jour encore, il force son ex-maîtresse à se déshabiller sous la pression d'un revolver avant de dégainer un appareil photo pour immortaliser la scène. Des clichés destinés, Linda l'ignorait alors, à être envoyés anonymement à André Zumbach. Mortifiée, Linda supporte ses crises qui étaient, raconte-t-elle, accompagné d'incessants chantages au suicide. Pour les enquêteurs, le portrait de Jacou vient de s'assombrir brusquement. Menaçant, armé et connaissant le lieu du crime pour y avoir déjà rôdé sur ce lieu, il est désormais un suspect idéal. Pierre Jacou est aussitôt interrogé. S'il nie toute participation au crime de Plan-les-Ouates, il reconnaît être l'auteur des lettres anonymes. Si nous devenons fous, j'ai ton éclaboussant nous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser. Autour de ton cou, tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop de ventres mous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est l'une de ses galères, c'est tout ces écrous, c'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Faire, trop de laisser nous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est lui de ses galères, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. France Inter, affaires sensibles. Aujourd'hui, l'affaire Jacou en Suisse. C'est désormais une certitude. L'éminent Jacou, l'avocat célèbre, est un corbeau. Jusqu'ici, le juge Moriot avait traité l'ex-bâtonnier avec égard, s'excusant même de procéder à quelques vérifications. Il faut dire que Jacoud, qu'on qualifie alors de faiseur de roi à Genève, n'est pas pour rien dans la nomination de ce juge d'instruction. Mais après cette révélation fracassante, fini les Salamalek, changement de décor. Moriot ordonne la perquisition du domicile de Pierre Jacou. Le laborantin Pierre Aigue, qui avait préalablement passé la scène du crime au peigne fin, est envoyé sur place. Et l'expert n'en croit pas ses yeux. L'endroit déborde d'indices accablants. En particulier, cette gabardine déchirée, roulée au fond d'un carton destiné à la Croix-Rouge, qui attire immédiatement son attention. Parce qu'il lui manque un bouton. Un bouton similaire à celui retrouvé dans le jardin des Zumbak. L'expert précise. Nous avons procédé aux analyses spectrales. Cela nous a donné deux courbes absolument identiques. Ça veut dire que les colorants du fil du bouton et du fil resté sur la gabardine étaient les mêmes. J'ai demandé des contrôles qui m'ont confirmé ce que j'avais vu. Un vélo retrouvé au domicile de Jacou interpelle également, parce qu'il correspond tout à fait à la description de celui aperçu le soir du crime. Autre objet évocateur d'une liste résolument non exhaustive, ce poignard oriental, muni d'une lame recourbée, épousant parfaitement les blessures retrouvées sur le cadavre. Prises séparément, ces pièces à conviction pourraient ne pas valoir grand-chose si elles n'étaient pas maculées de traces de sang. Ce sang, les experts, qui ne pratiquent pas encore l'identification ADN, l'analysent aussitôt. Il correspond au groupe sanguin de Charles Zumbach, la victime. Jacou d'Abo se défendre, arguant qu'il est aussi du groupe O, déroulant des incidents de la vie domestique où il se serait malencontreusement blessé. Ces explications compliquées ne convainquent pas. Le 17 juin 1958, il est mis aux arrêts et inculpé pour le meurtre de Charles Zumbach et la tentative de meurtre de Marie Zumbach. L'ex-bâtonnier est désormais un homme à terre. C'est interné à l'hôpital qu'il attend d'être jugé. foudroyé par une dépression, lui que ses amis surnomment Calvin, si sensible à la morale, à l'image sociale, au poids de la rumeur, est désormais l'objet d'un scandale retentissant. De surcroît, Genève n'est pas une très grande ville. 170 000 âmes au compteur, tout le monde se connaît. Et voilà que toute la bonne société se répand sur les déboires de Maître Jacou, avec mesure et discrétion, certes, tempérament suisse oblige, mais avec tout de même une certaine goguenarde. Car tout respecté qu'il est, l'avocat ne s'était pas fait que des amis dans la cité du lac, comme en atteste Anne-Marie Burger dans son livre « Les naufrages de l'amour ». C'était un homme devant qui tout pliait, qui faisait et défaisait bien des carrières jusque dans le palais de justice. Pierre Jacou était à Genève, au temps de sa puissance, plus craint qu'aimé. À cause de sa fierté, qui se voulait par moments insolente, à cause de la vivacité de son langage, dont il n'émoussait pas toujours les pointes cruelles. L'opinion est pourtant divisée. Certains croient l'ex-bâtonnier trop intelligent pour avoir opéré de manière aussi grossière. D'autres sont convaincus par le vaste faisceau de présomption. D'autant que les éléments en charge n'en finissent pas de déferler sur la ville. Jacou n'a pas d'alibi solide. Il a acheté une nouvelle gabardine juste après le meurtre. Et il manque à sa collection d'armes son habituel pistolet noir qu'il dit avoir jeté dans le Rhône car il effrayait sa femme. Et pour couronner le tout, il y a cette histoire d'erreur de teinture, somme toute assez croquignolesque, relatée dans la feuille d'avis de Neuchâtel. Au début de mai, Pierre Jacou présida à Stockholm un important congrès international de juristes. À tous ceux qui avaient quotidiennement affaire à lui, Maître Jacou apparaissait certes fatigué, mais nullement étrange en son comportement. À son retour, un détail avait changé en sa personne. Mais en souriant à ses camarades radicaux qui l'interrogeaient sur sa chevelure subitement devenue blonde, le suspect racontait la mésaventure qui lui était advenue lors de son séjour en Suède. Un coiffeur à qui il s'était confié durant son voyage s'était trompé de teinture et avait ainsi par mégarde fait passer ses cheveux du brun sombre qui leur était naturel à cette nuance claire qui surprenait ses familiers. Petit détail comique que personne n'aurait retenu si, rentré de l'étranger, le juriste genevois n'avait en fait pas été cité à comparaître devant le juge d'instruction. Qu'espérait donc Pierre Jacou en débarquant chez les autorités avec des mèches blondes ? Qu'il ne fasse pas le rapprochement entre lui et l'homme à la crinière brune recherché pour le meurtre de Plan-les-Ouates ? Raté. Les policiers soupçonnent une combine. Oh, Jacou tente bien de leur servir la même version qu'à son entourage. C'est ce satané coiffeur suédois qui, au lieu de raccourcir la chevelure, aurait compris éclaircir. L'erreur est humaine. Et après tout, il y a la barrière de la langue. Oui, sauf que le perruquier, interrogé jusqu'en Scandinavie, parle parfaitement le français et conteste vigoureusement cette version. C'est bien Maître Jacou qui a expressément réclamé un changement de couleur et s'est dit d'ailleurs très satisfait du résultat. Jacou finit par le reconnaître, c'est par crainte d'être associé au portrait robot du meurtrier qu'il a modifié son apparence. Voulant maladroitement éloigner de lui les soupçons, il n'a fait que les renforcer. Et rappelons qu'il est avocat, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Poussé dans ses retranchements, il continue néanmoins de nier être l'auteur du crime de Plan-les-Ouates. C'est désormais à la justice de trancher. En ce 18 janvier 1960, une foule de journalistes s'entasse sur les bancs de la cour d'assises de Genève. Des Suisses, bien sûr, peu habitués à ce battage médiatique qui parle de meute glapissante pour décrire cette horde de Français qui se tient à leur côté. Ils sont là, les Madeleine Jacob, les Frédéric Potcher, la crème de la chronique judiciaire parisienne, prêtes à suivre assidûment les 2 semaines que va durer le procès. Mais il faut dire que l'histoire vaut le détour, c'est le cas de le dire. Un homme de loi aux prises avec la loi, le scandale qui s'abat sur une cité puritaine, l'entêtant parfum d'alcôve. Alors on attend Jacou. Et voilà qu'il fait son entrée. Ses 19 mois de détention semblent avoir beaucoup éprouvé. Sa mine est défaite, sa démarche difficile. Dans les journaux, chaque plume se prête à l'exercice de style, guettant les reliquats de la grandeur passée de l'accusé, derrière le mort-vivant qu'il est devenu. Ainsi, Madeleine Jacob écrit dans Libé. Quelle entrée théâtrale. Peut-être malgré lui, mais s'essayant à l'effacement, à l'évanescence, il ne marche pas vraiment. On dirait qu'il glisse au bras de son garde chamarré. Il entre de profil, et le profil est beau. Il est pâle. Il affecte un très vague sourire. Il est bouleversé. Lui, Jacou, le bâtonnier, le magistrat. Lui, Jacou, revenir ici comme accusé. Et d'un tel crime. Jacou veut n'être pour son premier contact avec la foule que le fantôme de Jacou. Une chaise longue de grand malade a été louée tout exprès. Il s'en approche. Dans l'angle gauche du tribunal se tient le procureur général, Charles Cornu. Ce magistrat, apprécié des caricaturistes pour ses bajoux et sa ligue de poissons, connaît bien Pierre Jacou. Ils ont souvent croisé le fer au prétoire et dîné ensemble au restaurant. Mais à l'égard de son ex-adversaire, qu'il tutoie ordinairement, Cornu ne mâche pas ses mots. Et c'est à l'affirmative et non conditionnelle utilisée habituellement qu'est rédigé l'acte d'accusation de 45 pages, dont voici un extrait. Pierre Jacou a commis l'homicide et la tentative d'homicide qui lui sont reprochés avec un sang-froid redoutable et avec une incontestable perversité. Parce qu'il s'est présenté chez sa victime avec un poignard, constituant une arme dangereuse, n'hésitant pas à faire usage de ses armes, d'une part contre une victime désarmée et d'autre part contre une femme. Face à tant d'assurance, la défense n'entend pas se laisser faire. Pour le représenter, Pierre Jacou a choisi un ténor du barreau français, René Floriot. Ce pénaliste vedette, habitué des causes désespérées, aime être sous le feu de projecteurs. Il vient d'être immortalisé par la presse lors d'un séjour au Tanganyika, où il s'est amusé à pourchasser l'éléphant. C'est à la chasse aux failles de l'épais dossier de l'accusation qu'il entend désormais se livrer. Et les failles, il y en a. Une en particulier retient l'attention, l'absence de preuves irréfutables. Pas d'aveu, pas d'empreinte digitale, et un accusé qui n'a pas été formellement reconnu par le témoin. Si Marie Zumbach, épouse de la victime, a bien pointé du doigt Maître Jacou lors d'une séance d'identification, elle a hésité tout de même avec un autre homme. Et dans son procès-verbal, elle dresse le portrait d'un meurtrier n'excédant pas 40 ans. Jacou est bien conservé, certes, mais il est tout de même quinquagénaire. Voilà de quoi faire planer le doute, qui, on le sait, est censé profiter à l'accusé. C'est le début d'un match judiciaire. Côté défense, défilent les témoins de moralité qui n'apportent pas grand-chose à l'affaire, qui n'ont rien vu, rien entendu, mais qui tressent des lauriers à l'ex-bâtonnier. Côté accusation, c'est plus solide. Tous ceux qui ont tenté de trouver un alibi à Maître Jacou s'effondrent un à un à la barre. Dans cette marée de témoignages plus ou moins utiles, celui de l'ex-maîtresse, Linda Baud, est sans conteste le plus attendu. Et la voici qui s'avance, élégante et discrète dans sa toilette d'Astrakhan. James de Coquet du Figaro écrit. Quelle est la comédienne qui pourrait, sans répétition, sans les conseils d'un metteur en scène, jouer le rôle d'héroïne de cour d'assises? C'est pourtant ce qu'a fait mademoiselle Linda Baud, avec une assurance qui dénote non pas qu'elle est une grande comédienne, mais que sa déposition doit être le reflet de la vérité. Et Dieu sait qu'elle est ambivalente, la vérité de Linda Baud. Certes, son témoignage a pesé lourd dans la balance de l'accusation. Mais elle s'entête à répéter qu'elle ne croit pas Maître Jacou l'auteur du crime. Suicidaire, oui. Meurtrier, non, assure-t-elle. Est-elle sincère? Est-elle loyale? Est-elle tout simplement compatissante à l'égard de son ancien amant? En tout cas, son témoignage, que chacun reconnaît d'une grande dignité dans ce marasme, jette le trouble. Après les protagonistes, voilà le temps des experts. Ils ont été nombreux côté suisse à démontrer la culpabilité de Jacou. Mais René Floriot a plus d'un tour dans son sac. Voilà qu'il fait venir à la barre le professeur Le Breton, médecin légiste français, porteur d'un arsenal de critiques à l'encontre de ses homologues suisses. Les cellules observées sur les pièces à conviction sont trop vieilles et trop déformées pour attester qu'il s'agit là de sang humain, affirme-t-il. Tollé de la part des experts Helvelt et hué dans la salle. Mais qui est ce parigot venu faire la leçon aux hématologues suisses? Interrogé sur ses querelles d'experts et contre-experts, Frédéric Potcher hausse les épaules. J'ai toujours assisté à de semblables joutes et généralement, ça se termine par rien. Il n'en reste rien, vous comprenez? Et c'est les peu. Jurés se trouvent généralement devant une espèce de zone d'ombre d'où ils ne peuvent absolument rien conclure. Ce qui reste en revanche, c'est l'interrogatoire de l'accusé. On avait presque oublié Jacou dans sa chaise de malade. Mais voilà qu'il se lève le 1er février 1960 et il prend la parole. 6 heures durant, il plaide sa propre cause. En vérité, un prodomo raté. Comme la défense par Jacou est pauvre, résume François, par exemple. Jacou parle enfin, que c'est navrant, titre Libé. Il est vrai que l'ex-bâtonnier, pourtant grand orateur, c'est son métier, s'embrouille dans des détails inutiles, répond à côté, incapable de s'expliquer sur les zones d'ombre que le procès a relevées. Et avec quelle froideur, quelle suffisance il s'exprime. Mis face à ses actes, il refuse de reconnaître le moindre manquement à une conduite qu'il considère irréprochable. Peut-être n'est-il pas coupable de meurtre ? Peut-être est-il la victime malchanceuse d'un abominable concours de circonstances ? Mais ces lettres anonymes, comment les justifie-t-il ? La jalousie ? La peur de perdre l'amour de sa vie ? Tout cela pourrait lui être pardonné en cette époque de grande tolérance pour le crime dit « passionnel ». Mais non, il s'entête à déclarer que s'il a dégradé Linda Beau via des lettres avilissantes, c'est uniquement pour son bien. Son bien à elle, par responsabilité vis-à-vis d'elle. Pour empêcher que cette créature qu'il a, selon ses mots spiritualisés, ne devienne une femme légère. Et pour qu'elle se trouve enfin un mari, comme l'exige la bienséance. Si les commentateurs de l'époque n'en sont pas encore à crier au paternalisme et au patriarcat, ils ne sont pas dupes. Cet argumentaire bouffi de moralisme et d'autosatisfaction sonne terriblement faux et n'éclaire en rien les motivations profondes de l'accusé. Et voilà que revient le rapport des psychiatres. Les médecins qui ont examiné Pierre Jacou ont fait état d'un être profondément clivé, égocentrique, obsessionnel, aux réactions affectives impulsives, débordées par les frustrations et la jalousie, et qui, ne supportant pas d'être pris en faute, ne peut que dissimuler ses failles derrière son masque d'homme du monde. Anne-Marie Burger observe dans le journal de Genève. Tout le drame de cet homme est là, dans l'impossibilité où il est d'accepter à ses propres yeux ses faiblesses et ses manques. À renier, à refouler impitoyablement, sans oser la regarder en face, toute une partie de son être. Qui sait s'il ne lui a pas justement donné une autonomie redoutable ? Car ce que nous ne dominons pas, fatalement, nous échappe. Pour Jacou, la messe est dite. Mais c'est une messe à la Suisse, empreinte de compromis. Le 4 février 1960, il écope de 7 ans de réclusion. 7 ans pour un innocent, c'est beaucoup. Mais pour l'auteur d'un meurtre, c'est peu. Ce verdict, mi-figue mi-raisin, interroge tout de même. La cour d'assises a-t-elle eu pitié d'un confrère qui avait déjà tout perdu ? Ou subsiste-t-il un véritable doute sur la culpabilité de Jacou ? Est-ce bien certain que ce soir, un innocent n'a pas été condamné au bénéfice du doute ? Questionne René Héricotte dans les colonnes du Parisien Libéré. Jacou part purger sa peine avec désormais une seule obsession, faire réviser son procès. Mai 1963, 3 ans passés, Jacou a retrouvé la liberté. Sur son visage requinqué qu'il présente au micro de 5 colonnes à la Une, se dessinent l'assurance et la détermination de l'avocat prêt à remonter au front. Je suis la victime de la plus monstrueuse erreur judiciaire que je connaisse. Le mécanisme est un mécanisme mystérieux. J'ai longtemps essayé de comprendre le pourquoi, le comment. Et je me suis au fond, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est qu'il a fallu toute une série de circonstances qui, ajoutées les unes aux autres, ont abouti à cette tragique solution. Et ces circonstances, je les indique très brièvement. Et voilà Jacou qui, de sa voix professorale, passe en revue le témoignage de l'ensemble des acteurs du procès. André Zumbach, Linda Beau, les magistrats, les experts, tous ont menti, manœuvré, pour l'enfoncer, affirme-t-il. Il va jusqu'à sous-entendre que finalement, il n'est pas l'auteur des lettres anonymes. N'est-il pas en train de réécrire l'histoire, révisionniste avant la révision ? Pour la réclamer justement, cette révision, Jacou s'entoure de nouveaux avocats, de nouveaux experts, de nouvelles théories. Ainsi, la mort de Charles Zumbach s'expliquerait par l'implication de la victime dans un vaste trafic d'armes en relation avec la guerre d'Algérie. L'histoire, au contour assez farfelu, est improuvable. En 77, Jacou, qui avait obtenu un supplément d'enquête, voit sa demande en révision refusée par la Cour de cassation de Genève. Mais il s'obstine quelques années encore, avant, finalement, de jeter l'éponge en 1980. Je renonce à obtenir justice puisqu'on a décidé de choisir le coupable au lieu de le rechercher, déclare-t-il. À Genève, qu'il n'a pas souhaité quitter, Pierre Jacou poursuit un temps une activité de conseiller juridique. Et c'est le 4 juillet 1996 qu'il s'éteint à l'âge de 90 ans. Il meurt comme il a vécu, sans aveu, emportant avec lui la vérité sur l'une des plus grandes affaires suisses du XXe siècle, sa vérité. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Jacou, notre invitée Corinne Jacquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, judiciaire, romancière et autrice du livre intitulé « L'énigme Jacou », un procès il y a 60 ans, paru en 2020 chez Slatkin. Je crois que vous êtes née à Genève au moment où s'est déroulée l'affaire Jacou. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser des décennies plus tard ? Le hasard d'une demande pour une émission de télévision qui finalement n'a pas été réalisée, l'amoncellement de documentation préparée, et le fait d'oser peut-être enfin en parler. Bon, alors, pour écrire ce livre, vous avez eu accès à de nombreux documents inédits, tous les procès-verbaux, je crois, c'est ça ? Oui, alors j'ai eu accès à toute la procédure policière, la procédure d'enquête. Chez nous, il n'y a pas de minute de procès, donc il n'y a pas de procès-verbaux du procès. Donc j'ai eu droit à toute la procédure qui a eu lieu avant, du moment du meurtre jusqu'au moment du renvoi devant la cour d'assises. Et c'était la première fois que le procureur général autorisait cette consultation. Et alors, tout ce travail, on en arrive à la question qui brûle les lèvres, vous a-t-il permis de vous forger une conviction profonde ? Jacou, coupable ? Non coupable ? Coupable, je pense que, comme il a été dit dans votre récit, un ou deux détails auraient pu être mis en doute, mais cinq ou six détails réunis ne font pas vraiment des hasards, et donc... Il est évident que tout ça a construit finalement le portrait d'un coupable. Je pense que c'est une évidence pour beaucoup de monde. Et quels sont les éléments qui pourraient militer dans le sens de son innocence ? Alors peut-être le fait que, évidemment, on n'a pas pu à l'époque faire la différence entre les deux sangs, celui du malheureux Zumbach et celui de Jacou, parce qu'ils étaient à l'époque, nous n'avions que les groupes sanguins pour identifier le sang. Et par malchance, peut-être pour Jacou, les deux hommes avaient le même. Donc on n'a jamais pu faire la différence. Le petit-fils de Monsieur Zumbach me confiait, qui est un scientifique, me confiait d'ailleurs pendant mon enquête, qu'aujourd'hui cette affaire aurait pris une semaine. Parce qu'on aurait comparé les deux sangs contenus dans les habits de Jacou, déposés sur le vélo, par exemple, et on aurait très vite su s'il y avait ou non le sang de Zumbach, par exemple, sur le vélo de Jacou. Pour le disculper, à l'époque, il eût fallu que quelqu'un atteste véritablement de sa présence ailleurs. Or, cela a été extrêmement compliqué. Et c'est vrai que pourtant, l'enquête n'a pas été menée à charge dès le début, puisque pendant à peu près un mois et demi, Jacou était en liberté avant d'être arrêté. Donc, ça démontre bien qu'on ne s'est pas acharné sur lui dès le premier jour. On a quand même retrouvé des éléments qui l'ont incriminé, d'ailleurs. Et en même temps, on peut se demander pourquoi il ne les a pas fait disparaître. Enfin, surtout pour un homme de loi qui connaît la musique judiciaire. Donc, est-ce que le fait de ne pas avoir fait disparaître milite, pour le coup, dans le sens de son innocence ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Moi, j'ai des amis médecins qui paniquent dès que leur enfant a 38,5 de fièvre. Donc, je pense qu'on n'est jamais bien placé quand c'est notre métier pour juger de quelque chose. Et puis, alors, il y a un autre aspect beaucoup plus machiste, je dirais, mais l'époque voulait ça, c'est que Jacou était persuadé que l'on n'oserait pas fouiller chez lui, que l'on n'oserait pas aller dans ses affaires, dans ses tiroirs de bureau. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, la première perquisition à son domicile, on lui a demandé l'autorisation de la monnaie. C'est donc bien la preuve qu'à l'époque, on avait ce genre de respect pour des personnalités qu'on n'a vraiment plus maintenant, je vous laisse voir, dans toutes les affaires françaises de ces dernières années. Oui, enfin, la justice s'applique à tout le monde, hein, quelle que soit la classe sociale. C'est plutôt, ça va dans le bon sens, non? Alors, elle s'applique à tout le monde, mais là, dans l'affaire Jacou, elle ne s'est pas appliquée. Il se serait appelé Jean Dupont. Je pense que, au lendemain du meurtre, accusé par le fils avec de telles pièces à conviction, il aurait été en prison peut-être le 5 mai et non pas le 17 juin. On lui a demandé l'autorisation, on lui a demandé de se présenter, on lui a demandé différentes autorisation pour aller à son bureau. Ouais. Enfin, c'était assez stupéfiant de voir à quel point on s'inclinait devant lui et que même le chef de la police est allé en catimini chez l'ancienne maîtresse pour l'interroger hors de toute convention normale pour se dire « Mais dites-moi que vous avez une raison de me dire qu'il n'est pas coupable parce que je ne sais pas comment faire pour ne pas l'accuser. » Alors, parmi les choses gênantes pour lui, ça paraît anecdotique, mais ça peut dire plein de choses. Il y a cette histoire de cheveux teints en blond. C'était accablant, ça, ou pas? Ah ben, c'est complètement accablant. Écoutez, ça faisait, il avait 53 ans, ça faisait, on va dire, 25 bonnes années qu'il hantait les couloirs du palais de justice et de toutes les sphères politiques du canton. Tout le monde le connaissait brun. Pourquoi d'un coup devenir blond? J'entends, c'est crier un mal-être, en tout cas, à défaut de culpabilité. Mais c'est de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Pourquoi aller en Suède? Alors, s'il avait le fantasme de devenir blond, ce qui était tout à fait son droit, il aurait pu se faire teindre les cheveux à Genève. Il n'y a pas besoin d'aller à Stockholm pour ça. Oui. France Inter. Affaires sensibles. Corinne Jacquet, je rappelle que vous êtes journaliste judiciaire, romancière et autrice du livre L'énigme Jacou, un procès il y a 60 ans. Alors en France aussi, hein, chez nous, certains puissants se sont sentis intouchables et puis à partir des années 90, la justice leur a prouvé qu'il n'en était rien. Voilà. Donc chez vous aussi, j'imagine, ce Jacou, il a vraiment le profil de l'homme intouchable, surtout à cette époque, il correspond, il coche toutes les cases de l'homme intouchable qui se croyait intouchable. À l'époque, il cochait absolument toutes les cases. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le parti radical à l'époque à Genève était surpuissant. Et on l'appelait d'ailleurs Genève la citadelle radicale à l'époque. Et donc, étant une des têtes de file du mouvement, il était pratiquement le faiseur et le défaiseur de rois dans notre République. D'ailleurs, c'est assez amusant de savoir que juste après le procès Jacou, les femmes ont obtenu le droit de vote à Genève, pas encore en Suisse, hein, je vous rassure, pas tout de suite, on a mis du temps. Mais les femmes ont obtenu le droit de vote au début mars 60 à Genève, et alors que Jacou s'y était formellement opposé. Certains y ont vu un signe de la chute de Jacou qui fut politique après avoir été judiciaire. Et puis son parti, aux élections suivantes, ont perdu 3 sièges sur 7. Ils en avaient 4 sur 7, ils sont revenus à 1. Donc c'est montré aussi que la toute-puissance radicale qu'il symbolisait était en train de s'effriter. Donc cette affaire judiciaire est intéressante, surtout pour ça d'ailleurs, à voir les conséquences qu'elle a eues d'un point de vue politique et d'un point de vue sociétal chez vous. Les Suisses ont-ils ressenti de la condescendance dans la manière dont leurs expertises ont été remises en cause, notamment par des contre-experts français, experts suisses, contre-experts français, procureur suisse versus avocat de la défense français, presse suisse versus presse française. Est-ce qu'il y a eu un match comme ça, franco-suisse, qui s'est joué au cours de ce procès Jacou? Largement, mais c'est pas la seule fois. Hein. Moi, j'ai assisté par la suite à différents procès où des Français sont venus plaider en nous prenant de haut. Mais ça, c'est pas très grave, on leur en veut pas beaucoup. Mais à l'époque, c'est vrai que Maître Florio avait fait un lobbying de qualité à Paris avant son départ vers Genève. et qu'il avait à peu près plaidé la cause de Jacou auprès de toute la presse française qui venait ici s'amuser de voir les petits Suisses se débattre dans une arène. Et le Genevois, vous savez, est entouré de Français. Nous avons 140 kilomètres de frontière avec la France et 14 avec la Suisse. Donc nous sommes reliés à la Suisse par très peu de choses. Et donc ici à Genève, particulièrement à Genève, le français est souvent vu comme un hégémoniste, comme un donneur de leçons. Et puis, l'animosité, je vous rassure tout de suite, elle est surtout folklorique, mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop que les Français viennent nous expliquer ce qu'on doit faire. Et donc, à l'époque, Genève étant toute petite, comme vous l'avez dit, était considérée un peu comme un village. Et donc, cette arrogance parisienne était très malvenue, a été très mal ressentie. Et d'ailleurs, plusieurs chroniqueurs ont dit que c'est sans doute une des choses qui a fait tomber Jacou. Ah. Le fait d'aller chercher Maître Floriot à Paris était sans doute une maladresse parce que, à nouveau, Jacou, qui était dans son monde d'homme surpuissant, s'imaginait que la venue d'un ténor pareil dans notre cour d'assises allait clouer le bec à tout le monde. Et il en faut beaucoup plus que ça pour clouer le bec à un Genevois. Et en particulier au procureur Cornu à l'époque, qui vivait de surcroît son dernier procès, qui n'avait pas du tout l'intention de se laisser faire. Et il y a eu effectivement un match franco-suisse et qui a été jusqu'à certains débordements dans la presse des deux côtés, où l'on s'accusait de toutes sortes de choses. Donc effectivement, ça a été... Un des aspects de cette affaire qui est absolument intéressant. Mais oui, donc on a dit un aspect sociétal, un aspect politique et même un aspect diplomatique. Parlons de Lynn Dabo, l'ex-maîtresse de Jacou. Elle raconte les scènes de jalousie, le revolver, les menaces, l'obsession de Jacou vis-à-vis d'André Zumbach. Elle est citée à comparaître par l'accusation. Mais en même temps, elle s'obstine à déclarer qu'elle pense que son ex-amant est innocent. Est-ce que vous avez les clés de ce paradoxe? Si paradoxe il y a d'ailleurs. Parce qu'elle vivait avec le souvenir de son histoire d'amour, ouais, et de sa déception, je pense. Il faut savoir aussi qu'elle a été harcelée, que les femmes de cette affaire, que ce soit Madame Jacou ou Lynn Dabo, ont été injuriées. Lynn Dabo habitait encore chez ses parents. Elle recevait des téléphones anonymes, elle recevait des lettres anonymes. Ça a été épouvantable. C'était, pardonnez-moi l'expression, mais la salope de la République. Et donc, pour elle, elle avait peut-être cette fierté de venir se tenir aux côtés de son ancien amant et de le soutenir. C'est une forme de résistance peut-être qu'elle avait. Là, je fais de la sociologie, de la psychologie de bazar, peut-être, mais moi j'y vois comme ça, oui. Et je pense qu'elle elle avait à cœur de rester à côté de lui jusqu'au bout. Ceci dit, elle n'a pas reçu beaucoup de choses en contrepartie, parce qu'à partir du moment où il a été arrêté, il a cessé tout contact avec elle, il n'a plus jamais pris contact avec elle, et il l'a laissé gérer sa vie toute seule. Vie qu'elle a finie d'ailleurs avant lui, parce que lui qui se disait moribond à son procès a tout de même vécu jusqu'à l'âge de 91 ans, alors qu'elle est morte à la fin des années 80. Ce sera le mot de la fin, merci infiniment Corinne Jacquet, merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Jacou en Suisse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.